Thank you. Thank you. C'est le sud, je sais que des fois ça part en c'est le sud. Mais tu seras pas déçu si tu décides de venir dans le sud. Sud, je l'aime, c'est sûr. c'est du rêve, c'est sûr. J'ai kiffé le sud depuis que je l'ai bu, c'est le sud. Je le sais que des fois ça part en scène sur, mais tu seras pas déçu si tu décides de venir dans le sud. Plus que l'herbe, le succès. Plus que l'herbe, le succès. Thank you. Thank you.

Mm-hmm.